arc-en-ciel, un amour de la femme. Les 13h30 passées, voici donc le retour comme tous les vendredis après-midi pour tout simplement eh bien, l'émission Souvenir. Voici donc, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne semaine et aussi très bonne matinée, puis ainsi que vous allez continuer de passer une excellente après-midi avec les chansons qui vous plaira. Voyez, on ne sait pas comment s'habiller, voyez, parce que dans la semaine, le temps était assez bien, mais ce matin, bien la pluie est de retour. Donc on ne sait pas comment s'habiller, un jour il pleut, un jour le soleil. Bon, bref, il faut suivre tout simplement eh bien, les saisons. Donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse bien sûr avec les chansons. Et voici Frédéric François qui parle tout simplement de la liberté. Et aussi une autre chanson de Georges Moustaki, pareil, avec une chanson de liberté. Mmh. femme qui se cache pour s'aimer. Partout dans ce monde, en émoi, il y a trop d'amants hors la loi. Deux mains qui se frôlent sans rien dire, deux hommes tout tremblants de désir, rêvant de quitter leur pays, coupables d'amour interdit. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, rien ne doit nous la prendre, il faut qu'on la défende. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, dans un monde arc-en-ciel, je me battrai pour elle. C'est les amoureux de Vérone, que rien ni personne ne raisonne. C'est le bon mélange des couleurs qui met de l'espoir dans nos cœurs. Il y a trop de rêves prisonniers, trop de sentiments enchaînés. Le plus beau cadeau de l'amour, c'est de s'afficher au grand jour. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, rien ne doit nous la prendre, il faut qu'on la défende. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, dans un monde arc-en-ciel, satisfaire tes moindres exigences.

Tu es ta vie, qu'a-t-il t'en fait?

rêves amour. Adieu la belle. Voici le cru de la rue. La rue toute nue. La rue qui s'éveille. Avec au bord de son lit un grand soleil qui lui sourit. La ville s'éveille. Esta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José das Anjos, mais o sol da primavera. Singela, nessa hora tão idílica, talvez. Je vous laisse avec Julien Kerr et puis juste après Joël Ursule. Tremblant et peureux, toi la foule des gens heureux qui me guettent et qui me rend heureux, qui me guettent et qui me rend heureux. Tu sais qu'après bien des années, chasseur équateur. Une lame de couteau scintille les pleurs. White and black. Danse balance sur le white and black blues. Nous les blacks. Nous sommes quelques millions très à la douce. Le long du fleuve. Sous le soleil ombré des au hasard ma pleine des montagnes. Une pauvre guitare est ma seule compagne. Je n'ai pour copain que mon chien. Cela dit, c'est le ciel de l'Espagne. Mais chaque village m'offre ses sourires qui, sur mon passage, semblent tous me dire Cocolito, Cocolito, tu chantes si bien. Cocolito, cocolito, tu que cantas el amor, dame tu corazoncito, cocolito, por favor. Je vais au hasard des sierras y de plaines, et ma bonne étoile me guide et m'entraîne. La vie est belle, car l'espoir vous mène. La chanson aux lèvres dissipe mes peines. Et chaque village montre ses sourires, ses regards me sages, ses petits soupirs. Si bien l'amour, cocolito, cocolito, reste avec nous pour toujours. Cocolito, cocolito, tu que cantas el amor, dame tu corazoncito, cocolito, por favor. Voilà, tout après Luis Mariano, je vous laisse avec Annie Cordy. Puis donc après Annie Cordy, on ira faire un petit tour, comme je l'ai dit, avec Marie Myriam. On est jeunes, premiers, déjantés, des fripouilleux. Parfois trahis, souvent bernés, j'ai cru 100 fois mourir d'amour, car cocufiant, au cocufié, on dérouille. Satan ne te réjouis pas pour autant, quoi qu'il arrive, je n'ai guère envie d'être de tes clientes. Ou locataire, que Dieu exauce mes prières pour m'accueillir à ses côtés, ou bien que tu jettes la terre aux flammes pour l'éternité. Je n'ai pas de ville à me faire, je ne serai pas trop mal logé, que j'aille au ciel mon enfer, je n'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai des amis des deux côtés. J'ai fréquenté quelques salauds, des peintres fous, des musiciens, des experts plus ou moins escrocs, et des juristes. Des têtes bourrées de savoir, des gens de peu, des gens de bien, comme si frottés au pouvoir, aux artistes. Satan, une arme de plus, c'est tentant, pour alimenter tes chaudières, mais je veux m'adresser à vous. Adieu le père, pour voir si au livre de pierre ma venue est bien annoncée. Si je constatais le contraire, tu pourras me la récupérer aux portes de ton adversaire. Car âme pure ou bien souillée, que j'aille au ciel ou en enfer, je n'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai des amis des deux côtés, ah, ah, ouais, ouais. J'ai des amis des deux côtés. Après qu'un prêtre décrépit ait prononcé mon oraison, que mes amours ou mes amis me bénissent, j'irai voir ceux qui avant moi ont dû franchir le Rubicon pour leur dire hey, me revoilà, vieux complice.

visage qui t'éloigne de moi. Pourtant, tout au fond de tes yeux, il reste encore ces vers qui n'appartiennent qu'aux anges du matin. La nuit, nos rêves se ressemblent et nous rapprochent encore plus amoureusement. Le jour s'éveille, la vie commence et je te laisse partir au loin parmi les anges du matin. Sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde.

délices sont mes supplices. Dans tes étreintes, au cours de celles, tu me promets cent fois le ciel. Moi je dérive et tu m'entraînes. Tu reviens, serrer les liens, à bout de souffle, je suis amour, une fois, un jour, amour, un jour.

moi. Gestes saccadés, où les mains se dégèlent sous des tables cachées. C'est un monde contre monde aux histoires compliquées, où les amours se font dans des endroits foncés. Je des regards, je des yeux, je des mains, du hasard. Je du corps, je du cœur, je des œufs dérisoires. Et c'est un monde étrange au parfum lourd poivré, où les visages changent et s'en vont en fumée. C'est un monde bizarre aux couleurs chamarrées, qui se plaît dans le noir pour mieux se mélanger. Je les regarde, je les yeux, je les mains, du hasard. Je du corps, je du cœur, je les œufs dérisoires. C'est un monde futile à l'allure décidée, où les amours se grillent à force d'en changer. C'est un monde fantôme aux douceurs veloutées, là où le jeu de paume semble le préféré. Je les regarde, je les yeux, je les mains, du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, j'ai les œufs dérisoires. C'est un monde bavard aux propos détournés, qui va d'aérogare encore à cœur usé. C'est un monde de tendresse à l'humeur fatiguée, qui se noie de caresses pour enfin s'éclater. Je les regarde, je les yeux, je les mains, du hasard. Je du corps, je du cœur, je des œufs dérisoires. C'est un monde parallèle aux gestes saccadés, où les mains se dégèlent sous des tables cachées. C'est un monde contre monde aux histoires compliquées, où les amours se fondent dans des endroits fondés. Je les regarde, je les yeux, je les mains, du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, j'ai des œufs dérisoires. Je les regarde, j'ai des yeux, j'ai des mains, du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, j'ai des œufs dérisoires. Je les regarde, j'ai des yeux, j'ai des mains, du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, j'ai des œufs dérisoires. Je les regarde, j'ai des yeux, j'ai des mains, du hasard. Arc-en-ciel. Voilà, donc ben, je vous laisse avec trois titres portugais. Et puis enfin, on se retrouve juste après. On écoutera Vincent Lagaffe. Mais voici le Portugal. Esta canção nasceu de pensamento. Eu só penso em ti, carinha bonita, meu amor. Sei que nunca senti o calor da paixão, mas em ti descobri que era o meu coração. Tanto amor.

on est les babouches, on est les chameaux, on est les babouches, on est les chichas, chiche on leur fait un, chiche, chiche qu'on leur fait un. Ouais, quel est beau les chameaux, quel est le bodé, le chameau, quel est beau, quel est beau, quel est beau les chameaux, quel est le bodé, le bodé, quel est le. Sa mère m'a tarification pour aller danser. Sa mère y a dit, c'est bien Wallo, ma fille qui va te cocher sa suite. Il va te cocher sa suite, il dira son pote ta mère. Mais c'est petit défroné, ça va voir ton père quand il va rentrer. Tu vois ta jambe ardée. Alors ma, la petite Zoubida l'a montée dans sa chambre. Elle s'est dit pleurer, pleurer, là t'es complètement désespéré. La nuit l'a tombée sur la cité. Et le morceur, elle est arrivée sur le scooter doré. Il chauffe la lumière par la tête. Et voici allumée, elle a rêvé. Zoubida, Zoubida. mal. Danser sans complexe et sans gêne. Sur ton corps aux mille saveurs, je m'abandonnerai des heures. En finesse et en douceur, baby, je t'apprendrai par cœur. Juste toi et moi, ensemble sur de si belles mélodies, perdues dans tes bras. Je ne parle pas d'une promesse pour la vie. Oh my baby. Oh, oh, oh, Allongé sous ton bancal. Yeah. T'auras quand je crois c'est la même et tu le sais. Oh, oh, oh, hey. Je présente sur ton bancal. Allongé sous ton bancal. Danser sans complexe et sans gêne. Le seul plaisir qui m'entraîne quand tu fais bouger ça. Toi qui me fais savourer à chacun de tes pas. Oh my girl, donne-moi la chaleur et jusqu'au bout de la nuit. Je te ferai en sueur, en sexy girl. Reste à mes côtés si tu veux du bonheur. Oui, du bonheur. Baby, il est temps que je me confesse. Écoute ce récit, c'est mon son pour toi, princesse. Juste une danse, histoire de dévoiler. Passion, sentiment, se laissons-nous aller. Oh, oh, oh, collé. Je présente ton bon royal. Allongé sous ton bon royal. T'auras quand je crois, c'est la même et tu le sais. Oh, oh, hey. Collé. Je présente ton bon royal. Allongé sous ton bon royal. Danser sans complexe et sans gêne. Danser sans complexe, sentir la chaleur de ton corps. Que tu me prennes dans tes bras en me disant qu'il m'est sans mort. C'est vrai que t'es magnifique, t'es assorti au décor. Y'a trop d'abeilles autour de toi qui demandent un corps à corps. J'aimerais continuer la soirée ensemble. Tu me résistes et pourtant nos corps s'assemblent. Je te n'applique à faire tout ce que tu demandes. Tes désirs sont des ordres. Toi et moi on s'accorde. Et si tu peux recorder. Oh, oh, oh, allongé sous ton bon royal. T'auras quand je crois c'est la même et tu le sais. Oh, oh, hey. Olé. Je présente ton bon royal. Allongé sous ton bon royal. Danser sans complexe et sans gêne. Ambiance tropicale, la chaleur règne dans la salle. Pure sweet, égal au courbe phénoménal. Lady White and Rice. Made in Jamaica, Kamadini, na Iguada. In a dance all time. Kimai, ça va ou quoi? De quoi? Tu t'es endormi? Arc-en-ciel. Voici le groupe Gone, et puis juste après le tour du Tyrol. Sous le pied.

Voici le groupe tout simplement Imagination, et puis juste après on écoutera d'autres chansons différentes. Donc il y aura aussi Coulon Seconde. And